quatrième et dernier temps de notre série consacrée aux ports et aux espaces portuaires. Ce matin, au lendemain de la journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage colonial, les ports français et anglais et la mémoire de l'esclavage. Après vous avoir parlé depuis lundi avec Séverine Yattard qui a co-animé et qui co-animera cette émission avec moi, les ports de l'Atlantique au Moyen-Âge, puis mardi de l'Orient comme ville-port de la Compagnie des Indes, et hier des ports comme lieu d'arrivée, de départ, de transit ou de séjour des migrants, nous allons ce matin nous intéresser à la façon dont les ports français et anglais abordent depuis une vingtaine d'années environ leur histoire des ports de ports négriers. Nous le ferons en compagnie donc de Christine Chivallon qui sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France Aquitaine à Bordeaux. Elle est directrice de recherche au CNRS, anthropologue et géographe. Renaud Ourcade sera avec nous en studio à Paris. Il est chargé de recherche au CNRS en sciences politiques. Il est auteur des ports négriers face à leur histoire aux éditions Dalloz. Éric Saunier sera également avec nous. Il est historien, maître de conférence à Normandie Université Le Havre, membre du comité pour la mémoire de l'esclavage et il est par ailleurs donc directeur de l'Institut d'études et de recherche maçonnique. Bonjour Séverine Yattard. Bonjour. Bonjour Renaud Ourcade. Bonjour. Bonjour Éric Saunier. Bonjour. Et bonjour à vous Christine Chivallon, vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de Radio France à Bordeaux. Oui, bonjour à vous tous. Merci d'être ici. Donc, on va tenter pendant ces 50 minutes de nous intéresser justement à cette intrication, pourrait-on dire, entre mémoire et histoire dans ces ports de l'Atlantique en particulier. Que ça soit Bordeaux, que ça soit La Rochelle, Nantes, Le Havre ou pour l'Angleterre, Liverpool ou Bristol. Vous avez travaillé depuis un certain temps sur ces questions, Christine Chivallon, et vous avez été parmi les pionnières et les pionniers de ceux qui s'intéressent justement à ce mélange entre mémoire et histoire et à leur implication locale, pourrait-on dire, Christine Chivallon. Ça remonte à quand cette histoire ? Oui, bah merci de me dire que j'ai été pionnière. Bon, c'est un concours de circonstances. Il faut dire que je me trouvais en Angleterre au moment où émergeait cette mémoire dans l'espace public, puisque jusque-là, c'est-à-dire jusqu'aux années 1995, nous étions dans des situations de silence. Alors, je dis silence maintenant parce que à l'époque, j'utilisais le terme d'oubli. Mmh. Mais je crois qu'il y avait, c'est pas tout à fait pareil, hein, la nuance n'est pas la même. Il y a eu du silence. Et cette émergence est due avant tout, je dirais, bon, pour simplifier, à deux raisons. L'arrivée dans l'espace public des revendications entre guillemets communautaire, mm-hmm. porté par les ce que en Angleterre, enfin dans au Royaume-Uni, on n'hésite pas à appeler les descendants d'esclaves, mm-hmm. c'est-à-dire les Afro-Antillais. Et puis c'est la même chose côté français. Cette émergence va arriver de manière plus sourde, cette revendication, dès les années 90. Je pense qu'on peut la dater de l'anniversaire de la Révolution française. Enfin, à Bordeaux, les militants bordelais datent cette revendication depuis 1989. Voilà. Ce que je vais pas monopoliser. Il y aurait beaucoup d'autres choses. On reviendra. Vous êtes en duplex, voilà. Mais on va vous redonner la parole ensuite, Séverine Yattard. On voit bien, donc, Christine Chivallon ou Renaud Ourcade, que effectivement, c'est l'action, c'est l'action des militants qui va obliger finalement les institutions, l'État, le politique à commencer à prendre conscience qu'il faut faire cette histoire et commémorer, parce que en fait, ce silence, il a été aussi depuis l'abolition. Par certaines problématiques mises en avant, notamment cette question de la République, il a été mis sous le boisseau depuis le 19e siècle, bien largement. Oui, quand on essaye de faire un peu l'histoire de la mémoire dans les pans négriers, c'est-à-dire qu'on reconstitue la façon dont les élites municipales, les bibliothèques municipales, les archives, les musées ont traité de ce passé-là, on se rend compte assez rapidement qu'il y a une, comme le dit Christine Chevallon, une très très longue période de silence qui était une manière de gérer le stigmate négrier, parce que si ces ports avaient effectivement eu un rôle important dans la traite négrière, c'était quelque chose qui n'était généralement pas oublié. C'est vrai pour Liverpool, c'est vrai pour Nantes, où on a, dans la culture populaire, dans la connaissance des historiens, même s'il n'était pas toujours écrit, entretenu le souvenir, un souvenir de cet épisode. Donc la stratégie a souvent été d'en dire le moins possible. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez fait un travail, d'ailleurs comme Christine Chivalon aussi, de comparaison entre la France et l'Angleterre, et cette comparaison est assez, assez riche pour, par exemple, la ville de Liverpool, sur laquelle vous avez travaillé, Renaud Orcade, et on passera peut-être ensuite la parole à Christine Chivalon pour une autre ville, qui est la ville de Bristol. C'est 1999, on disait milieu des années 90, c'est le moment de l'émergence pour la France. Là, c'est 1999, en l'occurrence, à Liverpool. Ça remonte même un petit peu avant. Il y a quelque chose un événement qui choque un peu les communautés noires, à la fois à Bristol et à Liverpool. C'est la commémoration de la conquête de l'Amérique de 1492, dans laquelle aucune place n'est laissée aux conséquences en termes d'une part de génocide des peuples premiers, mais ensuite de leur remplacement quelque part par une main-d'œuvre servile arrivée d'Afrique. Et ça a déclenché les premières protestations par rapport à la mise en récit officielle du passé qui était un mécanisme d'exclusion symbolique de la mémoire noire. Oui, Christine Chivalon, et pour Bristol, c'est quel moment, justement ? Alors, là où la revendication va véritablement parvenir dans l'espace public et faire l'objet d'une prise en charge assez spectaculaire par les autorités locales, c'est à l'occasion d'une manifestation en 1995 qui va célébrer le patrimoine maritime de la ville de Bristol. Et puis un hommage aussi à John Cabot, qui était un navigateur. Et là, des voix se font entendre. Et ces voix, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à les localiser. Et ça, c'est typique du... je ne vais pas rentrer dans quelque chose de trop spécialisé, mais c'est typique de la manière dont se positionnent les collectifs antillais dans le champ politique, qui n'est pas tout à fait une mobilisation laissant place à des organisations extrêmement structurées. C'est un politique beaucoup plus fluide. Donc les communautés qui ont porté cette revendication ont peu à peu disparu, ont été relayées par d'autres, etc. C'est un champ politique assez fluide, comme je le disais. Ben, on le voit, donc, on le voit par exemple avec cette journée nationale en mémoire des victimes de l'esclavage colonial hier à Paris, qui double d'une certaine façon la journée sur l'abolition de l'esclavage du 10 mai, qui est la journée officielle instaurée par Jacques Chirac, je crois que c'est Jacques Chirac qui l'a instaurée. Hier, il y avait Annick Girardin, ministre des Outre-mer, mais aussi une grande manifestation dans Paris, de collectifs et d'individus qui voulaient parler d'une autre manière de la commémoration, et pas simplement en termes d'abolition, mais là en mettant l'accent sur les victimes de l'esclavage colonial, Christine Chivalon. Oui. Là, oui, c'est le fameux 23 mai porté à l'origine par le CM98 avec son leader Serge Romana, qui n'est plus président du CM98. Mais là, on entrerait encore dans un autre débat qui fait qu'il y a une sorte de monopole sur le régime mémoriel antillais qui n'est pas forcément... admis, si on part des Antilles elles-mêmes, si on parle des Antilles elles-mêmes, il y a contestation par rapport à la façon dont le CM98 gère le régime mémoriel antillais. C'est-à-dire que c'est typique, là encore, du politique, de la structuration du politique, où il y a... une contestation d'une centralité politique, et pour, je ne veux pas aller trop dans les détails, mais on préfère que le politique soit bien cernable du côté de l'État français, mais dans le collectif lui-même, on le contestera plus facilement, on va avoir une posture de refus d'une centralisation politique, ce qui donne lieu à des conflits, pas penser que le régime mémoriel de l'esclavage est apaisé. Oui, c'est ça. Ça n'est pas un long fleuve tranquille, d'après ce que je crois comprendre, non, effectivement. Pas, absolument. Éric Saunier, vous dites qu'il ne faut pas oublier une ville dont on n'a pas encore parlé, la ville de Nantes en 1985, avec les travaux donc autour de la mémoire négrière. Et on voit bien qu'il y a des sortes de concurrences entre villes. Vous êtes vous-même au Havre et j'ai découvert, parce que je connaissais pas cette histoire-là du Havre, mais ça correspond effectivement au sentiment de beaucoup dans notre pays, que le Havre avait été un port négrier comme les autres d'une certaine façon et qu'il avait lui-même eu beaucoup de mal à cause de ses destructions de la Seconde Guerre mondiale, en particulier de sa reconstruction, de se réinstaller dans cette histoire et dans cette mémoire-là, beaucoup plus tardivement que celle dont on a parlé de Bordeaux, de La Rochelle, de Nantes, de Liverpool, de Bristol. Oui, alors pour répondre à votre première question sur l'espèce de concurrence qu'il y a entre les différents ports négriers pour obtenir l'antériorité finalement de la démarche. De la reconnaissance. De la reconnaissance. De leur propre responsabilité. Responsabilité. C'est quelque chose, enfin, c'est une attitude qui concerne essentiellement Nantes et La Rochelle. Enfin, Nantes reste quand même la première ville qui a, dans l'espace public, à travers ce grand colloque qu'avait organisé Serge Dagé à l'époque, et qui avait d'ailleurs... C'était en 1985. En 1985, et puis quelques années après, il y a eu cette exposition Les Anneaux de la Mémoire, qui a donné naissance d'ailleurs à une association, Les Anneaux de la Mémoire, et à une revue aussi qui publie annuellement un cahier qui est fort intéressant. Bon, et c'est aussi à Nantes qu'a émergé toute la difficulté de ce processus mémoriel, puisque la ville de Nantes, dans un premier temps, avait apporté son soutien au colloque et l'a retiré. Donc, c'est ce qui a un petit peu, enfin, à long terme d'ailleurs, ça a un petit peu servi, j'allais dire, la cause, dans la mesure où ça l'a un peu mise dans l'espace public. Mmh. Et... fait ressurgir ce passé-là. Oui, je me souviens d'avoir fait un reportage en 1987 pour France Culture à Nantes, justement autour de ce débat entre municipalité et association. Mais dans le même temps, la municipalité de Nantes va très vite se réapproprier cette idée en faisant justement on parle de marketing aussi mémoriel, hein, c'est-à-dire comment les politiques publiques instrumentalisent ou en tous les cas s'approprient ces problématiques marketing politique, marketing touristique aussi peut-être. D'autant que la municipalité a changé. Jean-Marc Ayrault, hein, Nantes. Entre deux, donc c'était une opportunité aussi pour une nouvelle municipalité de montrer une attitude un petit peu différente. Renaud Orcan. Oui, tout à fait. La censure de 85 a galvanisé les militants mémoriels locaux, mais elle a aussi galvanisé l'opposition politique qui a tout de suite vu un terrain de démarcation par rapport au conservatisme de la municipalité antérieure. Et quand Jean-Marc Ayrault est élu maire de Nantes pour la première fois en 89, il a accompagné dans son équipe de divers élus, divers militants du Parti Socialiste qui sont décidés à rénover l'image de Nantes. Il y a une dimension très très forte de marketing territorial. Le slogan de l'époque, c'est « Réveiller la belle endormie ». Et « Réveiller la belle endormie », ça veut dire réveiller les rêves et les cauchemars de Nantes aussi, d'une certaine façon. Exactement. Il y a une dimension d'ailleurs un peu psychanalytique. L'idée est d'exorciser les fantômes qui pèsent sur la conscience nantaise, conscience collective nantaise, pour permettre à cette ville d'aller de l'avant, se renouveler en allant de l'avant. Mais ça, justement, c'est le discours de la municipalité. Vous l'expliquez bien, Renaud Orcade. C'est pas forcément le discours des collectifs, par contre, à Nantes, qui, eux, veulent plutôt qu'on fasse l'histoire pour reconnaître responsabilité de Nantes et l'histoire de l'esclavage. Dans le cas nantais, ce qui est intéressant, c'est que les collectifs sont complètement dominés sur la scène politique à cette époque. C'est une démarche qui est très... Paradoxalement, le premier port négrier à reconnaître vraiment le passé avec cette exposition, Les Anneaux de la Mémoire, Nantes, le fait dans une logique très institutionnelle, très descendante, venue d'en haut, venue d'une équipe municipale. Et les collectifs mémoriels sont sommés quelque part de rentrer dans le processus. Et c'est là qu'ils expriment effectivement des dissonances très fortes entre les différentes façons de valoriser ce passé-là. Éric Saunier. Alors, bon, maintenant pour la deuxième partie de votre question qui concernait le Havre. Alors, le Havre, on est dans un processus presque inversé, puisque pour des raisons qui tiennent essentiellement à la destruction de cette ville, en septembre 1944, c'est véritablement la dernière ville à être rentrée dans un processus mémoriel. On peut quasiment dater les choses et puis resituer un peu la chronologie des acteurs. C'est véritablement la reconnaissance justement par le président Chirac en 2005, puisqu'après le premier 10 mai officiellement était celui de 2006, de cette date-là, qui a donné une espèce d'impulsion à travers le milieu associatif, mais un milieu associatif qui était assez peu revendicatif. Enfin, la revendication essentielle, c'était de parler de ça, parce que là, il y avait un blackout absolument total, ce qui n'était pas forcément le cas à Nantes ou dans d'autres villes. Et à la suite de cette dynamique, les structures, les institutionnels ont pris, j'allais dire, le pas, et notamment l'université, autour d'une série de démarches visant finalement à mieux faire connaître l'histoire et le passé de cette ville qui était quand même le deuxième port négrier après Nantes au moment de la Révolution. On discutera justement de cette place des universitaires et des chercheurs dans cet espace mémoriel et historien dans un instant. Le négrier acheté. Ton pauvre corps de nègre dans l'océan Atlantique. La nuit est si noire. La mer est si noire. Tu n'auras que ta peau pour linceul, mais lui aussi sera noir. Dilong et Sona Abana. Nous avons pleuré. Mbembe. Noir est l'océan. Mbembe, mbembe. Nous avons hurlé. Blanc est le coton. Bobé Guita. Négrier, un titre de Manu Dibango datant de 1990. Nous parlons beaucoup de ces années 1980-1990 dans cette émission de La Fabrique de l'Histoire qui conclut notre série sur les ports en nous intéressant à la mémoire des ports négriers, que ce soit en France ou en Angleterre. On a besoin de vous, Christine Chivalon ou Renaud Ourcade ou Éric Saunier, pour comprendre effectivement comment se lassent, pourrait-on dire, ou s'entrelacent les préoccupations mémorielles, ou s'en mêlent les préoccupations mémorielles d'associations qui veulent la reconnaissance, effectivement, de cette question de l'esclavage, les autorités municipales dans ces ports qui sont concernés par cette question négrière. Et aussi le rapport avec le national, parce qu'évidemment, il n'y a pas simplement que des instances locales qui décident de cette façon de faire de l'histoire et de la mémoire, et d'utiliser la mémoire, et également les universitaires, parce que quelle est la place de la recherche et comment cette recherche dialogue ou ne dialogue pas avec, par exemple, ces associations ou ces municipalités, Christine Chivalon. Oui, je voulais juste rajouter, si je puis me permettre, par rapport à cette origine, ce commencement, cette émergence, nous avons surtout traité de choses factuelles. Mmh. Quels sont les événements qui déclenchent l'action des collectifs, etc. Je crois qu'il y a un mouvement beaucoup plus profond, qui est celui du référent de politique pour traiter des inégalités, traiter des discriminations, traiter des clivages. Et je crois que ce qui explique avant tout cette venue du registre éthique dans l'espace public, parce qu'on est dans un registre éthique avec le registre mémoriel, c'est véritablement la chute du mur, la fin des référents strictement politiques entre les blocs, entre une lutte conçue en termes de lutte internationale des classes, puisqu'on sait qu'aux Antilles, tous les militants ont âprement fréquenté le communisme, etc. Et donc, c'est cet effondrement qui, d'après moi, va expliquer que pour obtenir une reconnaissance, pour obtenir travailler sur les inégalités, on va utiliser ce référent éthique. Sur cette question de l'entrelacement entre instances politiques locales, politiques nationales, associations universitaires et chercheurs, comment ça se passe et comment ça s'est passé depuis ces années 1990? J'imagine que ça n'a pas été simple tous les jours, que les universitaires qui s'intéressent à ces questions-là ont quelquefois été mis en difficulté par des associations, que les hommes politiques eux-mêmes ont pu à un moment ou à un autre dialoguer difficilement avec les deux autres partie du triangle. Ouais. Oui, alors je pense qu'il y a des différences entre les villes. Bordeaux a eu son universitaire, mais venu de Nantes, curieusement, mais Bordeaux était assez sclérosé. Bon, Renaud pourra en parler. Je pense que Nantes a pu être pionnière, c'est en raison de cette convergence entre d'un côté les militants, les universitaires qui ont été extrêmement puissants, et le politique qui à ce moment-là était en plein changement. Hein. Donc il y a eu une convergence de bénéfices mutuels entre collectifs associatifs, universitaires et politique. À Bordeaux, c'est très différent. Et si je puis me permettre, il faudrait faire l'histoire de la mémoire, parce que il y a eu l'ouvrage d'Éric Sogéra en 1995, Bordeaux pour négrier, qui n'a jamais été égalé. Il y a un avant Éric Sogéra et un après Éric Sogéra. Et là, il vient d'avoir un rapport remis à Monsieur Juppé, maire de Bordeaux, fait par une commission. Et ce rapport retrace l'histoire de la mémoire de l'esclavage à Bordeaux et l'a fait curieusement commencer en 2005 avec un buste de Toussaint Louverture qui est mis sur les berges de la Garonne et disant que jusque-là la ville avait été, je trouve ça extraordinaire, dans un oubli de réserve. C'est-à-dire que la ville de Bordeaux aurait eu un oubli qui aurait été presque de politesse pour ne pas froisser et pour attendre le moment opportun, alors que je trouve ça extraordinaire parce qu'on crée à nouveau un nouveau récit de la mémoire et les choses n'ont pas été tout à fait comme ça. Il y a eu un récit de gloire et un récit à la gloire des découvreurs, et je vais vous lire juste très très rapidement une citation de Jacques Chaban-Delmas au moment d'une exposition en 1980 qui s'appelait Bordeaux, le Rhum et les Antilles, et Jacques Chaban-Delmas déclaré « Bordeaux, ce port au milieu des terres, a attiré ou donné naissance à des hommes qui, armateurs, affréteurs, négociants, eurent l'audace et réussirent. Nous leur devons, sous l'impulsion des intendants, un urbanisme qui encore aujourd'hui donne la mesure de sa puissance financière. » Et il rajoutait « J'espère que beaucoup de Bordelais pourront à leur tour faire connaissance avec cette France lointaine et je souhaite bon vent à Bordeaux, le Rhum et les Antilles. » Alors voyez qu'on n'est pas du tout... Dans un oubli de réserve, on est plutôt dans une glorification du passé de puissance économique de la ville bordelaise. Ouais. Et on voit bien ça, Christine Chivalon ou Éric Saunier, justement, dans l'intervention qu'a fait, François Hubert lors de votre colloque au Havre sur le musée d'Aquitaine, pris justement dans ces problématiques politiques et cette fameuse première exposition sur le Rhum, deuxième exposition sous Juppé, cette fois sur les Antilles, où il y a subrepticement quand même une ouverture sur cette question de l'esclavage. Et cette idée que Bordeaux aussi, comme elle ne se considère pas comme le premier port négrier, et ben du coup, elle s'auto-excuse de ne pas avoir mis cette problématique en débat dans sa propre ville. Éric Saunier. Oui, je voudrais revenir sur la question qui est très liée de l'attitude des universitaires par rapport au traitement et de la prise en charge de ce sujet. Il y a quand même un cas bordelais. Hein. C'est-à-dire que si on prend... Nantes est le plus connu parce que c'était le plus grand port de traite et puis c'est le premier port négrier qui a été l'objet de recherches très approfondies sur la connaissance des expéditions, etc. Mais le schéma est à peu près identique au Havre ou à La Rochelle. Sauf que ça s'est passé un petit peu plus tard au niveau de la recherche universitaire. Enfin, je veux dire, le point commun, c'est que la recherche universitaire, on a quand même, une certaine utilité de temps en temps, a été quand même la cheville ouvrière, j'allais dire, de la diffusion de connaissances et des avancées. Et Bordeaux, c'est un peu particulier, c'est quelque chose d'un petit peu particulier qui tient aussi à la structuration de la recherche universitaire. Alors après, on pourrait discuter des raisons profondes de cela, mais c'est vrai que pour ce qui est de l'université de Bordeaux droit, par exemple, les historiens ne travaillent pas spécifiquement sur cette question-là et plutôt sur d'autres problématiques. Mais peut-être parce que justement, ils travaillaient que sur cette histoire économique qui valorisait la problématique des armateurs. On va avoir des coups de fil de nos collègues qui travaillent. Qui travaillaient aussi, puisqu'on parle des années finalement 90 aussi. Pourquoi à Bordeaux, on ne travaillait pas cette question Bernard, Renaud Hourcade. Il faut, pour se replacer dans le contexte de la mémoire bordelaise, c'est vrai que Bordeaux a eu beaucoup plus de mal à assumer son passé quelque part. Il faut quand même envisager aussi la variable, enfin l'effet du politique, du contexte politique. Le maire, c'est Alain Juppé, c'est pas Jean-Marc Ayrault à Nantes. Et dans le contexte du début des années 2000, quand les militants mémoriels, qui sont très actifs à Bordeaux autour d'une association qui s'appelle Diversité, dont le leader Carfa Diallo est très très très très présent dans les médias, il ne lâche jamais l'affaire. Et très politique. Très politique, tout à fait. Il ira jusqu'à mener une liste aux élections municipales qui fera quelques pourcents, donc c'est pas négligeable non plus. Le contexte en face, dans la vision des élus bordelais, c'est ce qu'a dit Christine, d'une part, qu'il y a une image de Bordeaux conquérante, tournée vers les tropiques, qui est très romantique par rapport au siècle d'or, au XVIIIe siècle, à qui Bordeaux doit son image de ville de pierre, par exemple, l'architecture, etc. Donc ça, c'est difficile à remettre en cause. Et ensuite, de manière plus contemporaine, il y a tout ce débat sur les revendications victimaires, les concurrences des mémoires, la repentance dans les années 2000-2002, dans le prolongement du vote de la loi Taubira, il y a quand même une réaction très forte de certains historiens, de certains politiques par rapport au fait qu'on est en train, en reconnaissant des mémoires coupables, en culpabilisant, entre guillemets, c'est leur expression, la nation, on est en train de saper le roman national et de fragmenter l'appartenance identitaire. Et à Bordeaux, cette thèse-là a quand même pas mal d'écho. Oui, et donc ça participe effectivement d'une tension qui est locale et qui n'est pas nationale. En l'occurrence, vous dites qu'il y a un contexte national, mais toutes les villes qui ont eu un passé négrier ne sont pas à la même aune sur cette question-là, Renaud Hourcade. Non, il y a une réception locale de ce contexte national. Oui, Éric Saunier. Oui, c'est pour rebondir un petit peu sur ce qu'on peut appeler peut-être une spécificité bordelaise, l'association de Carfa Diallo, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelle Mémoire et Partage, maintenant quelque chose comme ça, a par exemple nationalisé, entre guillemets, une partie du débat autour, par exemple, des questions de nom de rue, par exemple. Ça a été vraiment un élément très, très important de leurs propres revendications et qui s'est diffusé dans tous les autres espaces portuaires concernés avec, j'allais dire, les aspects assez compliqués pour un universitaire, notamment au niveau du positionnement par rapport à ces questions-là. Vous voulez dire que quand un universitaire, on lui demande s'il faut débaptiser une rue... Il répond non. Il répond... Il ne peut pas répondre oui. Déjà le retour, j'annonce la couleur de mon discours. Compte à rebours sur le beat, t'es hors concours. Est-ce mission pour mon groupe? Le ministère, l'âme de main au platine prouve qu'on est de taille. J'oublie un détail, j'ai toutes les médailles. Prends-toi une paille, mais pas pour un rail. Et sniff ce jeu de mots avant que je ne m'en aille. Puis j'ai peu de temps, j'suis pas au courant. Mon département, 9-5-2-5. Bref, d'eau verso, pas si bien dans le duo. On perd sur tempo de l'encrapendisto. Une fois de trop, oui, trop, c'est trop. Ma valente à sono, abuse du jeu de mots, exploite les infos, dénonce les fléaux. Donc, aussitôt, voici mes propos. Les victimes sont gallo, romains et anglo-saxons. Et bidon acquiert la leçon depuis bien longtemps. Car entre notre argent, nos richesses disparaissent sans cesse. Qu'en pense la presse? Un sens de mots pendant qu'ils bouffent sur notre dos. Trop d'escrocs, un niveau fardeau sur notre peau. As-tu vu le résultat? Voile, poil et ses phares. Qui est réellement roi de nos états? Le savoir est une arme, maintenant je sais. Il ne fait pas t'apprendre, il dévore les informations. Le savoir est une arme, maintenant je sais. Il ne fait pas t'apprendre, il dévore les informations. Le savoir est une arme, maintenant je sais. Il ne fait pas t'apprendre, il dévore les informations. Le savoir est une arme, maintenant je sais. Il ne fait pas t'apprendre, il dévore les informations. 5 siècles, auparavant au commerce triangulaire, prend femme et enfant. Nos parents d'un Occident vendus pour toutes les vertus. D'autres combattus et moururent dans vos rues au cours de de la guerre. Face à Hitler dans ces pays des libertés où nos mains sont liées, attachés dans des sociétés de prisonniers établis qui depuis des décennies tiennent d'autres pays. Ils dirigent des états en toute certitude. Oui, je prends de l'attitude rude et mon attitude. Le savoir est une arme maintenant, je sais, de Ministère amer, un titre de 1992. Séverine Yatard. Oui, Christine Chivallon ou Renaud Ourcade, il y a quand même cette idée, enfin, alimentée par l'État français depuis longtemps, qu'il faut préserver hein, à chaque fois le triptyque liberté, égalité, fraternité, que donc la République a permis l'abolition de l'esclavage. Et c'est cette d'ailleurs, c'est la figure de Schœlcher, hein, évidemment, qu'on commémore et qui représente tout à fait cette idée-là. Et que, évidemment, les collectifs associatifs contestent aussi parce qu'elle minore d'autres questions très importantes, évidemment, de la traite des Noirs et de l'histoire de l'esclavage. Renaud Ourcade, puis Christine Chivallon. Oui. Renaud Ourcade. Tout à fait, c'est le sens de la grande marche du 23 mai 1998, donc, dont on a fêté hier les 20 ans, dont les militants ont fêté les 20 ans par cette nouvelle marche. Mmh. L'idée en 1998, c'était de démontrer une insatisfaction par rapport au cadrage politique, à la façon dont on met au service cette mémoire, pour dessiner un portrait assez bienveillant, glorieux de la nation. Oui, d'un côté, on commémore le 10 mai l'abolition. De l'autre côté, on demande la mémoire des victimes, par exemple. Et on voit bien que ce n'est pas la même chose. Exactement. En 1998, on avait mis la mémoire au service d'une valorisation de la République avec ce slogan, par exemple, « Tous nés en 1848 ». Donc, tous nés au moment de l'abolition, parce que chacun est devenu citoyen, en vérité, en 1848. Les esclaves ont acquis une personnalité et ont acquis des droits. Et ce qu'ont voulu pointer les militants mémoriels à cette époque, les militants entiers, c'était que ces droits étaient inscrits dans la Constitution, dans les chartes de droits, certes, mais ils n'étaient pas incarnés dans le réel, parce qu'il y a des discriminations qui se poursuivent, il y a évidemment un racisme qui se poursuit, il y a des statuts socio-économiques qui restent différenciés entre les territoires d'outre-mer et la métropole. Il y a toute une série de continuités d'héritage de l'esclavage qui n'étaient pas du tout pris en compte dans les cadrages de cette commémoration officielle. Et c'est contre ça qu'ils se sont levés. Oui, Christine Chivallon, cette tension entre République protectrice, libératrice d'un côté, et par exemple, si on prend les exemples... Assimilationniste, hein, et puis si on prend les exemples britanniques, effectivement, une autre vision peut-être de la façon dont la société doit prendre en compte cette histoire ancienne, donc, et encore présente par ses suites de l'esclavage. Oui, oui, complètement. Cette prise en compte de la revendication mémorielle, elle montre comment le modèle républicain est mis à mal et doit intégrer quelque chose qui ressemble à du multiculturalisme, mais qui n'en est pas, bien évidemment. Et quand on parlait de Bordeaux comme un cas d'exception, hein, je pense que c'est sur un continuum entre Nantes, qui se rapprocherait plus d'une action avec les collectifs associatifs, avec une visibilité, la prise en compte d'une histoire singulière au sein de l'espace public. Ça, on se rapproche, mais on n'est pas encore dans le modèle multiculturel à proprement parler. Et Bordeaux, qui est un peu plus une ville plus frileuse quant à cette prise en compte, mais qui néanmoins fait des choses qui relèvent vraiment d'une action de gestion des relations intercommunautaires, ce qui est tout à fait novateur. Et par rapport au collectif associatif, cette articulation, bien évidemment, elle va donner, enfin, elle va alimenter le modèle politique qui prévaut dans les situations. Donc côté britannique, c'est vraiment le modèle multiculturel qui fait que cette prise en charge, comme je vous le disais pour Bristol, est immédiate et spectaculaire à partir de 1995, et va être beaucoup plus lente dans l'espace français, mais avec des concessions. Et j'ai en tête la formule d'un de mes collègues antillais qui parle d'un refus, enfin d'un dogmatisme républicain qui peu à peu, et on peut le dater de l'époque mitterrandienne, parce que ces revendications dont on a vu hier dans les rues de Paris, etc., il faut dire qu'elles prennent naissance quand même aux Antilles françaises, c'est-à-dire que c'est n'est pas 1998 qui est la césure, c'est-à-dire le 150e anniversaire de l'abolition. On a un historien, par exemple Armand Nicolas aux Antilles, qui va exhumer le 22 mai, ce qui est le 22 mai, c'est-à-dire la révolte des esclaves qui vont obtenir l'abolition de l'esclavage avant que le décret n'arrive dans les îles, et ensuite l'action d'Aimé Césaire pour que la journée du 22 mai soit reconnue, etc. Donc, donc c'est... j'ai perdu le fil. Vous parliez de Bristol comme comparaison. Avec ce qui se passe en France, c'est vrai que cet exemple anglais sert à la fois de modèle pour certains et de repoussoir pour d'autres, d'une certaine façon. Voilà, ce que je voulais dire peut-être pour je voulais citer mon collègue qui dit qu'on est passé d'un dogmatisme républicain à un multiculturalisme autorisé et sous contrôle. Tandis que ce n'est pas pareil dans le modèle, mais là, Renaud pourra en parler. Et je voulais juste dire que dans le cas bristolien, j'ai été extrêmement surprise, en me remettant un petit peu à jour là pour cette émission, de voir que les problèmes de 1995-1999 étaient exactement les mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré cette action mais spectaculaire dans le champ public, on a une situation hyper conflictuelle, et notamment autour du personnage de Colson, qui est un ancien de l'époque géorgienne, un négociant, et il a fait beaucoup d'actions de charité, et il y a énormément de contestations quant au culte qui reste en vigueur autour de cette personne. Le groupe Massive Attack, par exemple, refuse de jouer dans le zénith local qui s'appelle Colson Hall, et on a tout un tas d'actions, et il y a une crispation des relations intercommunautaires, parce que on ne peut pas tout régler dans la reconnaissance, entre guillemets, culturelle, et que l'économique, la discrimination, les inégalités sont toujours là. Ouais. Donc, Éric Saunier. Oui, enfin, je voulais revenir sur la question de du problème du positionnement par rapport à la République. Il y a un élément aussi qui a beaucoup contribué, c'est que dans le processus finalement de reconnaissance officielle de l'abolition, a été totalement minoré le fait de... Enfin, la révolution d'Haïti. C'est-à-dire, c'est cette vision selon laquelle la République est émancipatrice, et qui nie finalement, enfin qui nie, qui en tout cas ne met pas en avant le fait que les premiers à s'être libérés, c'est les esclaves eux-mêmes, par cette révolution qui a donné naissance à l'État d'Haïti. Et à juste titre, d'ailleurs, Christine Chivalon le disait au début de son propos, le moment véritablement d'émergence de ces revendications et de ces thématiques, c'est au moment du bicentenaire de la Révolution française. Et c'est pas tout à fait hasard, parce que ça a été aussi l'occasion de mettre en avant la révolution d'Haïti. Il y avait en plus beaucoup de travaux qui ont été publiés à ce moment-là, la révolution de Saint-Domingue. Et puis, ça a été aussi l'occasion, finalement, de contester, de porter un petit peu le fer sur cette thématique-là également. Oui, parce que Renaud Urquat, tout de même, il y a un endroit où cette question qui est encore la France, c'est-à-dire les Antilles, où cette question doit être encore différente de ce que nous disons des ports de l'Atlantique métropolitain. Donc effectivement, j'imagine que aux Antilles, cette question est différemment traitée. Vous parliez tout à l'heure des collectifs qui s'étaient créés en 1998 et qui avaient voulu manifester là-bas. On voit bien qu'il y a des différences d'appréciation selon qu'on en est à Nantes, au Havre, à Bordeaux ou à La Rochelle, ou qu'on est à Pointe-à-Pitre. Oui, tout à fait. C'est très important de localiser, de situer cette mémoire de la traite négrière qui est devenue un petit peu globale. Il y a eu des programmes comme celui de l'UNESCO qui ont patrimonialisé... Les routes de l'esclavage. Les routes de l'esclavage au début des années 90 qui ont patrimonialisé sur la scène internationale ce sujet. Et on peut en avoir parfois une vision un peu lisse, enfin plutôt linéaire. En fait, il y a d'énormes différences en fonction des sites, évidemment, en fonction de chaque île, des territoires antillais ou de la Réunion ou de la Guyane. Mais je voudrais revenir un petit peu sur le schéma britannique et l'importance des questions raciales dans ce pays, qui me semble tout à fait décisif pour comprendre pourquoi il y a des cadrages aussi différents entre le républicanisme d'un côté en France et le fait que la question de l'esclavage soit intimement liée aux problèmes raciaux en Grande-Bretagne de la même manière qu'elle l'est aux États-Unis. Ça aurait aucun sens de faire une histoire ou une mémoire de la traite négrière et de l'esclavage aux États-Unis ou en Angleterre sans prendre comme point de départ la question raciale. C'est vraiment le point de départ. Pourquoi ? Parce que en Grande-Bretagne, les communautés noires sont reconnues depuis les années 60 comme telles. Elles font l'objet de politiques publiques. Il y a des recensements qui dénombrent. Il y a des catégories raciales dans les recensements. Il y a des politiques d'affirmation active, etc. Donc on a un cadre qui donne une place symbolique et légale au fait d'appartenir à une communauté à part, ce qui est l'exact contraire de la définition de la République où il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté citoyenne. À partir de là, quand on produit des musées, des mémoriaux, et des commémorations rituelles, elles peuvent beaucoup plus facilement avoir pour destinataire une communauté à part. Elles ne sont pas dans la construction du roman national, elles sont dans l'inclusion symbolique d'une minorité en reconnaissant d'abord son histoire, l'histoire pour laquelle elle exprime une certaine sensibilité. Il y a, pour donner un exemple, la semaine de commémoration tournée vers la culture noire, la Black History Week, qui existe aux États-Unis, qui a été importée en Grande-Bretagne dans les années 80. Elle a d'emblée donné l'occasion de revenir sur ce passé du point de vue de la communauté noire. Et il y a un début de Black History Week, Mons, en l'occurrence, un mois d'histoire noire en France aussi. Tout à fait. Et ça arrive petit à petit en France avec 20 ans de retard, enfin 20 ans de décalage par rapport aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Mais il y a aussi, bon, par exemple, dans le cas anglais, le rôle de Bernie Brandt, qui est un député, lui-même issu du Guyana, qui porte cette cause et qui forme un groupe d'action en faveur des réparations. Alors, cette question de la repentance et de la réparation, qui est évidemment inconcevable en France, mais qui ne l'est pas du tout de moins en moins. À Bristol. De moins en moins. De moins en moins, mais en tous les cas, dans le cas de Nantes, on y reviendra. C'est, même s'il y a eu institution et construction du mémorial, il n'était pas question que ce mémorial célèbre, que la municipalité fasse ce monument, parce que désireuse de se repentir, alors que ça va être le cas, Renaud Rocade, justement, alors je sais plus si c'est Bristol ou Liverpool, la municipalité immédiatement va s'excuser. On va faire une petite... Après, peut-être... À Liverpool, c'est des excuses officielles qui sont présentées à la communauté noire en 2001. Dans un geste assez politique, finalement. Il y a aussi une dimension de marketing territorial, évidemment. Il faut se montrer comme étant très ouvert à la diversité quand on est une nouvelle municipalité. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a, du fait de ce cadre que j'expliquais juste avant, il y a une possibilité d'envisager le débat sur la réparation qui existe, même s'il est très, très difficile. Il ne faut pas... Faut pas le nier, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, mais par contre qui était rigoureusement fermé en France. Oui, vous avez employé un mot sur lequel il faut revenir, c'est la question des indemnités. C'est la, entre guillemets, c'est le prochain étage de la fusée. De la fusée, ça a été d'abord le 23 mai. Maintenant, ça va être la question qui est déjà sur la table, qui est la question de l'indemnisation et des réparations financières. D'ailleurs, dans le bouquin, le collectif qu'on a publié, issu du colloque, qui a eu lieu il y a 2 ans au Havre, le dernier article est un article d'une collègue, Nicolas Fries, qui est écossaise, et qui pose, qui pose bien la question, c'est-à-dire notamment du passage du passage entre guillemets de la repentance et de revendications assez classiques qui sont un peu le contrepoint de ces attitudes repentantes et de ces attitudes, ce passage de ces attitudes-là vers la question véritablement des indemnités. Alors indemnités collectives, individuelles sûrement pas, parce que même ça, les collectifs n'y sont pas favorables. Ça reste un très très grand point d'interrogation, mais ce qui est certain, c'est que la question est posée. Ça, elle est clairement posée. Elle n'était pas posée dans ces termes-là il y a 3 ou 4 ans encore. Christine Chivalon, ça veut dire que cette mémoire évolue. Vous avez beaucoup travaillé sur ces évolutions, sur ces circonvolutions que prend la mémoire de l'esclavage depuis maintenant plusieurs dizaines d'années dans notre pays ou ailleurs. Et effectivement, on voit bien qu'il y a, comme vient de le dire Éric Saunier, il y a différents étages, différents niveaux, pourrait-on dire, et que l'on gravit... à chaque fois un niveau supplémentaire en allant un peu plus loin la question simplement du pardon ne suffit plus, il faut aussi autre chose. Oui, vous avez entièrement raison en posant cette question, c'est-à-dire que plus la mémoire va se routiniser, plus elle va être acceptée par les politiques. Il était inconcevable, par exemple, il y a quelques années de ça, qu'un ministre de l'Outre-mer cite un Édouard Glissant dans ses discours, cite un Aimé Césaire. Or, aujourd'hui, c'est devenu chose commune. Et comme la question raciale, et je trouve que Renaud a entièrement raison de mettre en balance ces deux modèles, qui l'un reconnaît la catégorie raciale, entre guillemets, comme une catégorie socialement construite, et le modèle républicain qui, lui, ne la reconnaît pas. Mais malheureusement, le référent existe dans les relations sociales, et si on va aux Antilles, on en est convaincu au bout de quelques heures de présence sur les territoires antillais. N'oublions pas que la Martinique est une des seules régions de France, et je pense de la Caraïbe, dont un groupe social se repose, sa position d'élite repose sur un strict principe d'endogamie raciale, un communautarisme racial, c'est-à-dire le groupe Béquet. Donc les relations sociales restent marquées par une racialisation, même en France, où l'invisibilisation de la catégorie raciale a été le moteur républicain. Et c'est ce qui fait cette drôle de situation, parce que la France républicaine, avec cette très belle idéologie, très très belle idéologie de l'égalité, quelque part est tronquée, et ceux qui en sont, qui sont entre guillemets racisés, il faut faire toujours très très attention avec tous ces termes, mais néanmoins, il y a des rapports sociaux racialisés, eux vont bien, ces groupes-là, être conscients que le mémoriel ne règle rien. Et plus le mémoriel est routinisé, plus il est accepté dans l'espace public, plus l'enchère est mise très haute, d'où le mouvement des réparations qui prend beaucoup d'ampleur en France aussi, et aux Antilles françaises. Je pense que c'est ce qui est à régler, véritablement, c'est le problème de la différenciation entre les individus en fonction de leur phénotype de couleur. Et tant que cette question restera en suspens, et tant qu'elle ne sera pas reconnue, parce qu'elle est toujours active dans le champ des relations sociales, les rapports sociaux restent structurés par un clivage socio-racial. Tant qu'on n'aura pas mis ça, je pense, à jour, je crois que l'on va s'acheminer vers un durcissement, et on le voit aujourd'hui, un durcissement des revendications. Mais vu la situation actuelle, Christine Chivallon ou Renaud Orcade, ça ne s'améliore pas vraiment. Enfin, cette problématique justement de prestige social et de hiérarchie dans la société en fonction de sa couleur ou de son origine, on peut penser que les choses ne vont pas s'apaiser, au contraire. Puisqu'on voit très bien le lien très très étroit justement entre ces revendications et la situation d'aujourd'hui. Alors c'est une histoire qui dure depuis tellement longtemps, c'est difficile de dire si elle évolue lentement ou si elle stagne. Ce qu'on peut dire quand on s'intéresse aux militants mémoriels vraiment sur le terrain, qu'on fait une sociologie, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui les motive à se mobiliser pour des questions de mémoire, on se rend très vite compte qu'ils sont déterminés par l'expérience du racisme au quotidien, très souvent. L'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'arrivée en métropole, une sorte de révélation face à ce qui est l'accueil d'une population majoritairement blanche, le fait qu'ils soient renvoyés à leur identité noire, alors qu'aux Antilles c'est beaucoup plus compliqué, il y a des nuances et toutes sortes de strates de couleurs, là tout le monde est racisé dans la même catégorie. C'est pour ça qu'on a vu ressurgir par exemple l'affaire du Bumidome, le souvenir de ce bureau d'émigration d'outre-mer qui a été mis en place dans les années 60 et qui a fait venir beaucoup d'Antillais en métropole, et que cela a été considéré par certains comme étant effectivement une suite lointaine de cette question de l'esclavage. Et c'est la génération des enfants du Bumidome qui anime aujourd'hui ces mouvements de réappropriation du souvenir de l'esclavage et au-delà de l'esclavage, de la colonisation et de la poursuite de la situation coloniale aux Antilles. Éric Saunier ? Oui, ce qui serait assez intéressant à mener, j'allais dire, en termes d'enquête sur le plan de ces phénomènes de réappropriation, c'est de faire une comparaison avec ce qui se passe dans le monde indien-océanique, où là, finalement, c'est les... Dans l'océan Indien, vous voulez dire. Dans l'océan Indien, oui, où les questions se posent un petit peu différemment dans la mesure où le rapport avec la métropole n'est pas le même et où les phénomènes de racialisation se posent dans des termes qui sont infiniment différents. Ce qui fait d'ailleurs que ce sont deux mémoires un peu... les deux mémoires, les problématiques sont à peu près les mêmes, mais se traitent pas au même moment et selon les mêmes termes, puisque la question finalement se pose à la Réunion, notamment autour du mois de décembre, qui est le moment où a été proclamée l'abolition de 1848. Ce qui est fort intéressant, on va conclure avec vous là-dessus, Christine Chivallon, c'est de voir qu'en très peu de temps, parce que c'est quoi, c'est deux décennies à tout casser jusqu'à maintenant, on a vu évoluer à une vitesse très grande le rapport des sociétés britanniques ou françaises à cette question de la mémoire de l'esclavage. Très brièvement. Oui, vous voulez que je vous donne une explication de cette rapidité ? Non, cette rapidité, parce que vous l'avez déjà plus ou moins donnée au début de notre entretien, mais c'est vrai que quand on est observatrice comme vous de cette question-là, on doit être surpris de l'accélération du temps. Alors, je pense, oui, de l'accélération, et je pense que ce qui explique cette... c'est un problème qui, maintenant, est devenu, comme je vous le dis, va tendre vers un durcissement, parce qu'il y a une histoire extrêmement lourde, extrêmement lourde, qui est celle de l'esclavage transatlantique et de l'esclavage aux Amériques, qui est en déficit de reconnaissance, il faut le dire, qui est en déficit de légitimité. Rappelez-vous, après la loi Taubira, nos plus grands historiens, comment ils ont fustigé cette loi, et je pense en particulier à Pierre Nora, comment donc cette délégitimation de cette histoire, tout ceci est propice à une situation extrêmement conflictuelle. Or, il y a une situation historique réactualisée aujourd'hui, de rapports sociaux, comme je vous le disais, racialisés en dépit d'un récit de l'invisibilisation de la race dans le modèle républicain. Et aujourd'hui, tout le monde a accès à sa propre construction de l'histoire, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'acteurs nombreux en mesure de conscientisation et de porter le discours dans l'arène publique, ce qui fait qu'il va devenir, pour moi, à mon sens, massif. Merci beaucoup Christine Chivallon et merci aux studios de Radio France à Bordeaux qui vous ont accueillis. Merci à vous, donc Éric Saunier. Le livre que vous avez collectif est publié aux éditions Aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Et il s'intitule ? Et il s'intitule La mémoire des ports négriers. Voilà, et pour votre part, Renaud Ourcade, Les ports négriers face à leur histoire, politique de la mémoire à Nantes, Bordeaux et Liverpool, avec une préface de Christian Lebar, c'est publié aux éditions Dalloz.